Cali bat les couilles. Cali ne vaut rien si des gars les coulent. Et Cali prend encore moins si des gars les coûtent. Écolier, soit tu l'es, soit tes copiers collés. La laisser le collier, ça vient nous faire les tauliers. Cœur jamais hacké, hacké en K2. Saturé pour revenir dans le temps comme MK2. Nos rêves enfumés comme le fameux, tous à Famax. Faut que le fin mot, sa vie, sa mère pour la fama. Full black basique, rude boy voisine. Convoité comme la koala du Hazi. Fuck Fugazi, t'as des rêves croisés. Le sud c'est pas la Suisse, eux où nous choisis. Marseille c'est Glock facile, ça sort les Glock faciles. N'attends pas compte facile, ni compte facile. C'est street art, c'est la cita. Et si t'as malheur d'eux, ce sera get up. I'm a motherfucker monster, Johnny. J'suis un roadster, chemise, blue jeans, Levi's. J'suis un all star, le game est pipé. Comme les dés de Vegas, au micro j'fais des dégâts. La frappe de Pegas, j'arrive en rookie. Au comptoir j'branche une rookie. Tu crois, une pièce de deux, j'envoie Phil Collins. Monster, j'ai un Red Devil. Comme ce Christophe Carmona, j'ai un rap des villes. Vampé avec mousse, dans le cahier du frérot, n'écoutez pour ceux. Bâtiment cash, vendez du mousse. On court après le temps, la vie est belle comme un vieux sample. Le bonheur, c'est les choses simples. Faut niquer le BNF, les choquer comme KP9. Ici pour rien, ça chénève, ça fait le BMW9. J'porte la flamme, ça marronne. J'suis fier pour ma mère, ma reine. Ils font la mort, ça marronne. J'fais danser leur marraine. Faire le réfé, millions d'albums ça s'est fait. Je repense à l'époque, je faisais les allers-retours à Saint-Fé. Je pensais te faire baisser, aisé, tu m'as blessé. Je t'ai laissé te mettre la main dessus, c'est me rabaisser. Je fais des crânes, tu précises, pas pressé. J'apprécie, soit tu diopes comme Cristiano, soit c'est inné comme Messi. Sois attention, attention, la santé, faut prendre soin. Faut respecter les anciens, Guy, tu connais la chanson. L'amitié c'est pas de la comptabilité. Je compte sur 2-3 gars, fier pour la rentabilité. Là j'ai ressorti l'écho, pas pour la stabilité. J'aime pas militer, je vais les shooter pour la tranquillité. Dans la rue, c'est la ruse qui génère la. Je t'emmène en safari, en ville si tu veux visiter. Je suis dans un cabaret la nuit avec une mexicaine, train de vie de Qatari. Je la charge en GSXR, ta fumée qui se dissipe, des enfants dissipés. Là y'a des affaires en Sicile, on s'en sort d'ici peu. Et gros, si t'es face à G-Flick, vaut mieux anticiper. J'ai les deux pieds dans la piscine, au bord de la cité. On bat les calas, c'est caraï. Le regard noir sous le haraï. Le monde est stone sur la strada. Le chat sa vie, on stone et on prada. Marqué le droit sur la copa. Je boirai une couche, je suis bien saucé. La fête est sur tous mes associés. Gardez le même délire, mais je suis pas bloqué à l'ancienne. T'as tiré, t'as fait le fou, on s'en bat les couilles l'ancienne. Toi, tu nous fais le rat, nous, on écoute le rat louche, puis on fait le signe, tu la rue, la vraie dans le single. Je cramé comme le B en YZ, comme la paye à bagnolet. J'vois les Yankees en file chain. Big up à Vitry, à Capra, à Marseille, la zone. Y'a Merco, y'a Soso, on met la gomme. Tellement de projets, j'ai même pas le temps de voir ma mère. Mon père m'a dit, faut pas parler aux traites, les balances, c'est des merdes noires. Sans la vie qu'on mène, mais c'est la vie qu'on aime. Et des fois, on la veut pas, mais c'est la vie qu'on a. Ça part à balle comme l'hiver, que décroche mes wizards. La montrée sur ce cadran diamant, pas j'arrive à l'heure. J'connais des carteurs voleurs, j'connais des chargeurs zoneurs. Des mecs qui ont des gaines de clochards, mais qui sont millionnaires. Les chargeurs dans l'habitat, une saison à Péchictas. Le gym a fait la passe, faut que je m'éloigne des commères. On t'attache au fond de la case, avec nous t'as pas ta place. T'as donné des infos, maintenant t'entends le bruit du tourner. AMG, gros moteur, on vous a vu faire 100 mètres. C'est vous le gang des gros menteurs, mort toi la lampe à l'énerve. On paye de promoteur, si j'ai pas clanque, j'ai cutter. Ma vodka comme liqueur, j'mange les trucs comme Nord, des cacahuètes. Nord, ma gamberge, ordure. En temps de guerre, j'ai la dent dure, on s't'emperre. En tant que père, on veut notre jeu et on t'emmerde. On dort plus, on s'enterre sous des problèmes. On torture et on s'entête à se prévenir, mais les sourds se sentent en guerre. La rue est enchantresse, l'argent n'a pas d'odeur, mais ça sent le trait. Si t'as pas d'honneur, ne traîne pas dans le chest. On fait pas dans la dentelle ni la tendresse. La vie dure moins longtemps que la mort, alors le temps presse, ressens le stress. J'mets pour mon au cœur de la tempête, ça t'enflexe. Avoir qu'une armée vengeresse, prédique la fesse sera dans tête. J'entre en scène, 13 014, écrasement tête. J'suis le calme avant la tempête. C'est CV en CP, en un tour plus CV. TP sur TP, la cité comme CP. Faut compter, pas se tromper. Faut dompter, pas pomper. Grosse malade, c'est trop pépé. Pétasse, beau, c'est trempé. Intro organisé comme la brise dans le maquis. Parano dans le carré, j'suis avec mon calibre. Vers l'estac, j'suis calé. J'fume un joint de piccolo. La petite veut coller, mais j'dois livrer le colis. Rien n'est factice, tout est réel. On gère les finales comme le Real. RS4 dans la ruelle, tout en full black, tu deviens tout pâle. Sky idée en live. Non, y'a pas de quoi s'affoler. Ce bâtard parle mal dans la bouche aux prises de volée. Reste tranquille, parle moins fort. T'inquiète, on est ensemble. Ces temps-ci, j'suis pas d'humeur. J'ai les tués pour Assa. Y'a pas de petit, y'a pas de grand. Le rendez-vous, c'est maintenant. On va pas parler chinois, on va pas s'insulter. C'est sur pas WhatsApp. Comment j'veux se tasser en otage et leur faire danser Macarena. Regarde-moi, j'suis plus Zizou que Maradona. Plus Mandela que JFK. Peignoir FK, j'leur ferai bien une DSK. J'leur ferai bien une DSK. Reste là, j'suis un mec d'Herbel, pas d'Atlanta. Cherche pas, on trahit pas la Honda. Aime la Ronda comme Kanye West et la Donda. J'suis marseillais, qu'est-ce là. Et qu'est-ce qu'il y a, gringo? Minuit, on baisse le rideau pour une partie de bingo. J'allume une garo et je dégage vers le Prado. ZINO, les gars, hasta luego. Le regard noir sur le haraï. Le monde est stone sur la strada.